Chapitre 10. Une nièce de Madame de Camparène, Lady Eldon, lui avait cédé pour 2 mois sa belle et grande villa de Dinard. Une véranda ouverte sur la mer permettait à Aubert de demeurer à l'air une grande partie de la journée. Joyce jouait avec de petites Anglaises dont les parents étaient en relation de famille ou d'amitié avec sa grand-mère. Gemma avait donc peu à s'occuper d'elle et partageait son temps entre Aubert et M. de Camparène, qui, suivant les conseils de Salvatore, avait apporté les éléments nécessaires pour la continuation de l'ouvrage entrepris. Tous les matins, avant de se mettre au travail, elle faisait une longue promenade le long de la côte, s'enivrant de l'air marin, contemplant l'océan dont elle aimait la mouvante, capricieuse beauté. Enfant, adolescente, Mao et elle passaient leurs vacances à Paramé, où M. de Fontaillan possédait une villa. Il l'avait vendue après le départ de sa femme et ses filles avaient dû se contenter de l'accompagner dans les stations thermales, aux Pyrénées et en Auvergne, où les médecins l'envoyaient. C'était donc une joie pour Gemma de se retrouver devant cette mère dont elle avait aimé jusqu'aux fureurs, tandis que Mao, les jours de tempête, s'enfermait en se bouchant les oreilles. Madame de Camparène sortait peu, mais recevait volontiers. Gemma l'aidait à faire les honneurs. Elle la présentait comme une jeune amie, la sœur de ma nouvelle petite fille. Les femmes la trouvaient généralement charmante, parce qu'elle n'était pas coquette, montrait en tout beaucoup de tact et de simplicité. Les hommes l'admiraient, lui eussent volontiers fait la cour. Mais sa réserve les retenait, les laissait hésitants sur le succès d'une tentative. L'un d'eux, cependant, semblait disposé à se montrer plus audacieux. C'était Sir Christopher Temple, beau garçon, aimable et gai, grand amateur de sport. Gemma jouait parfois avec lui et d'autres jeunes gens au tennis sur le cours de la Villa Flower où habitaient les Camparennes. Il voulait lui enseigner le golf, l'emmener en mer sur son canot à moteur. Elle refusait en souriant avec fermeté. « Non, Sir Christopher, le golf ne me dit rien. D'ailleurs, j'ai à travailler. »« Mais on ne travaille pas ici. Voyez, moi, je m'amuse tout le temps. »« Ce n'est peut-être pas ce que vous faites de mieux, » ripostait-elle, moitié plaisantant, moitié sérieuse. Un après-midi, on eut la surprise de voir apparaître Salvatore. Il venait de faire une croisière dans l'Atlantique sur le yacht d'un de ses amis qui arrivait à Dinard pour y passer une quinzaine de jours. Cet ami, Robert Grandin, possédait en Amérique du Sud des propriétés, héritage de sa mère. Salvatore le présenta le lendemain à Madame de Camparène, ainsi que sa femme, agréable personne dont la simplicité, la grâce enjouée, plurent aussitôt à Gemma. « Il faudra venir faire une promenade sur le yacht avec la petite Aube, » dit Salvatore à Mademoiselle de Fontaillan. « Elle a déjà meilleure mine, mais quelques heures en pleine mer feront merveille. Nous avons combiné cela, Madame Grangère et moi. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, grand-mère ?»« Non, Madame de Camparène n'en voyait aucun. » Les Grangères étant des gens fort riches, elle les tenait en suffisante estime pour les accueillir avec toute l'amabilité dont elle était capable, bien qu'ils fussent les amis de Salvatore. Gemma se rendit alors le lendemain sur le Myrto, où elle fit la connaissance des 3 enfants de Madame Grangère. L'aîné, âgé de 4 ans, avait servi de modèle à Salvatore pour l'enfant endormi que Gemma avait vu dans l'atelier du pavillon. C'était un bel enfant vif et gracieux qui se prit aussitôt d'affection pour la jeune fille et, le soir, prétendait la suivre à terre. « Elle reviendra demain, » lui dit sa mère. « Il faut continuer cette cure pour votre petite malade, mademoiselle. Rien ne lui sera plus favorable. » Gemma ne demandait pas mieux. L'atmosphère, ici, la changeait de celle qui lui pesait tant à Bruxelles. Elle était, moralement, saine, aérée. La discrète sympathie de Cécile Grangère trouvait en elle un écho et elle pensait « J'aimerais la voir pour amie. » « Je savais bien que cette charmante femme vous plairait, » lui dit Salvatore quelques jours plus tard, tandis qu'il accompagnait avec Aubert jusqu'à la Villa Flower. et je puis vous assurer que ce sentiment est réciproque. Oui, j'aime cette nature qui semble si simple, si droite. Elle inspire confiance irrésistiblement. » Salvatore eut un de ses brefs sourires en répliquant « Elle m'a dit de vous la même chose, presque dans les mêmes termes. » Ils marchèrent un moment en silence, puis Salvatore demanda « Avez-vous des nouvelles de votre sœur ?»« Oui, un mot hier. Elle paraît en pleine félicité. » Gemma se tut, hésita un moment, puis demanda en baissant la voix « Croyez-vous qu'elle puisse être heureuse près de votre cousin ?» À son tour, Salvatore hésita. Enfin, il répondit « Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus monstrueux égoïste qui existe. » Ils arrivaient près de la villa. Salvatore ajouta, en jetant un coup d'œil sur la physionomie anxieuse de Gemma « Mais, après tout, nous n'en savons rien. Peut-être que cette jolie Mao le transformera quelque peu. Et puis, son cœur ne doit avoir qu'une petite capacité de souffrance, si j'en crois l'impression qu'elle m'a produite. Ces premières femmes, elles ont beaucoup souffert. Laura, je l'ignore, car je l'ai peu connue. Juliette, j'en suis sûre, mais elle avait une âme singulièrement sensible, une âme comme la vôtre. » Il s'inclina, prit la main que lui tendait Gemma et s'éloigna en disant « À demain. » Sa voix venait d'avoir des vibrations adoucies, un peu frémissantes. Gemma entra machinalement dans la villa, suivie d'Auberte. Elle éprouvait une émotion singulière dont elle ne distinguait pas la nature. Dans le hall, vaste et bien aménagé, Madame de Camparène achevait de lire une lettre. « C'est un mot de Lionel. Il me dit que tout va bien à Bruxelles, que Mao est délicieuse. Laetitia est repartie pour l'Italie. Ses chers jeunes amoureux sont donc seuls maintenant. » Le cœur de Gemma se serra. Elle pensait à ce que venait de lui dire Salvatore. Juliette avait été malheureuse. L'âme légère de Mao serait-elle préservée d'un sort semblable? Dans la matinée du lendemain, comme Gemma quittait le tennis où elle venait de jouer une partie avec deux jeunes Anglaises et Sir Christopher, elle fut rejointe par celui-ci dans le hall de la villa, désert à 7 heures. « Je voudrais vous demander quelque chose, mademoiselle de Fontaillan. » « Et quoi donc, Sir Christopher ?» Il dit sans embâche, « Je vous demande de devenir ma femme. Je suis très amoureux de vous et je crois que nous serions très heureux. » Gemma sourit pour cacher l'embarras et l'ennui que lui causait cette brusque demande en mariage. « Je regrette de ne pouvoir vous répondre que par un refus. J'ai beaucoup de sympathie pour vous, Sir Christopher, mais je n'ai pas du tout le désir de me marier, du moins pour le moment. En outre, je n'épouserai pas un étranger. » La physionomie du jeune Anglais laissa paraître une vive déception. « Oh, ne me répondez pas tout de suite, il faut réfléchir. » « Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. Demain comme aujourd'hui, ce serait la même chose. » Il prit congé d'elle, visiblement déçu, mais avec au front un pli d'entêtement, témoignant qu'il n'avait pas renoncé. Dans la soirée, tandis que Gemma préparait le jeu d'échecs pour la partie de M. de Camparène, la comtesse lui dit « Il paraît que vous avez désespéré ce pauvre Christopher, mon enfant. » Il est venu me conter sa peine. C'est un si charmant garçon. Un beau parti, en outre. De la fortune, un avenir dans la politique, avec la protection de son oncle. Vous ne pouvez trouver mieux, Gemma. Je ne veux pas me marier encore, madame, et comme je l'ai dit à Sir Christopher, je n'épouserai pas un étranger. Cela n'est pas sérieux. Considérez la situation qui vous est offerte, l'aimable mari que serait Christopher. Il est très épris de vous, le pauvre garçon, et vous le désespéreriez en écartant sa demande. » Gemma comprit que le jeune homme avait demandé à Madame de Camparène de prendre sa cause en main. Elle vit aussi que le ferme maintien de son refus la mécontentait profondément. Par contre, M. de Camparène laissa voir une satisfaction qui lui attira cette sèche remarque de sa femme. « Vous vous réjouissez de conserver votre collaboratrice, cela prouve que vous êtes un égoïste, mon cher !» Dans l'après-midi du lendemain, après avoir installé Auberte sur le pont du yacht, Gemma s'assit près d'elle et prit un ouvrage de broderie. Mademoiselle Grangère était allée à terre pour voir une amie de passage. Salvatore, sortant du salon, vint à Gemma, serra la main qu'elle lui tendait et prit un siège, après avoir donné une caresse à la joue d'Auberte. « Ainsi donc, vous avez refusé le jeune Christopher, mademoiselle ?» Elle leva les yeux, un peu surprise. « Oui, qui vous l'a dit ?»« J'ai rencontré mon grand-père ce matin et il m'a raconté cela. Il paraît que Madame de Camparène n'était pas contente. » En effet, elle ne peut pas comprendre que je refuse de tels avantages de fortune, de situation, dans ma position surtout. Mais ces considérations ne viennent pour moi qu'en seconde ligne. J'aime mieux demeurer célibataire que de me marier ainsi. Je ne peux que vous approuver. Pendant un long moment, ils gardèrent le silence. Puis Salvatore parla de la Bretagne qu'il aimait et qu'il avait visitée dans toutes ses parties. Il disait « Je suis sûr que vous prendriez grand intérêt à cela. Il faudra voir ce coin si curieux demeurer tel qu'autrefois. » Gemma, comme toujours, avait l'impression d'un unisson parfait entre eux et aussi une impression de sécurité née de cette force morale, de cette loyauté, de cette noblesse d'âme qu'elle avait si vite reconnue chez lui dès leur première rencontre. Il partit à la fin de juillet. Ses amis le reconduisaient en Corse avant de regagner l'Argentine. En prenant congé d'elle, il lui dit, avec ce sourire qui éclairait si bien sa physionomie que beaucoup jugeaient froide, « Je serai à Bruxelles en octobre et j'espère y rester quelque temps. » Après son départ, elle eut une sensation d'isolement. Auberte aussi regrettait son oncle et les promenades en mer. Sa santé se raffermissait, mais elle restait volontiers silencieuse, quoi que fît Gemma pour la rendre plus expansive. La tendresse pensive de son regard disait cependant à la jeune fille qu'elle était aimée de cet enfant, dont le besoin d'affection avait dû toujours être refoulé. « Que cette petite est désagréable !» disait Madame de Camparène. Et elle jetait des regards de complaisance vers Joyce, débordante de santé, d'entrain, d'une sorte de joie animale. Dans la première semaine d'août, Gemma reçut une lettre de sa sœur. Elle n'en avait pas eu de nouvelles depuis le courbillet où la jeune femme montrait tant d'allégresse. Mais elle ne s'en étonnait pas, sachant combien Mao aimait peu écrire. Cette fois, le ton changeait. « J'ai hâte que vous reveniez tous. Je m'ennuie dans ce grand château vide. Laetitia est partie pour l'Italie. D'ailleurs, elle n'est pas intéressante et elle passait la plupart de son temps dans le laboratoire. J'ai été deux fois à Nice chez le dentiste. Après, j'ai goûté chez Rumpelmeyer et j'ai flâné en faisant quelques achats. Mais Lionel a trouvé que je rentrais trop tard. J'ai tâché de le décider à se rendre au concert, au théâtre. Il me répond « plus tard, nous verrons. Quand Madame de Camparène sera là, je pourrai au moins y aller avec elle. Puis elle me présentera à ses relations et je pourrai aller me distraire un peu à Nice et à Cannes. Mais quel dommage, en pleine saison d'été, d'être retenu ici par l'entêtement de Lionel !» « Voilà déjà une fissure, » pensa Gemma. « L'enchantement n'a pas été long, hélas !»